Chapitre 8e. Harmonie s'éveilla tout endolorie. Certains muscles eurent le don de se rappeler à son bon souvenir. Elle n'eut pas envie de se lever de suite. Le soleil perçait au travers des rideaux, signe d'une belle journée, et pourtant, elle se sentait si fatiguée. On frappa à sa porte. Elle se souvint qu'elle avait commandé son petit déjeuner pour... Jetant un œil à son réveil, elle sursauta. Elle avait dormi d'une seule traite pendant 8 heures. Elle s'enfouit sous les couvertures en invitant le steward à entrer. « Je vous pose le plateau sur le balcon comme d'habitude, madame. » Elle grogna un oui qui fit sourire le jeune homme. Il referma ensuite doucement la porte avant de sortir. Harmonie émergea de dessous sa couverture avec difficulté, se leva et passa rapidement sous la douche. Elle soupira d'aise sous le jet bienfaisant qui dénouait tous ses muscles endoloris. S'enveloppant dans un peignoir, elle sortit sur son balcon. Quelle ne fut pas sa surprise en contemplant les plateaux apportés. Du jus de papaye, une omelette aux champignons, du thé à la menthe, des fraises enrobées de chocolat, et encore tellement de bonnes choses qu'elle sentit une fringale monter en elle. Pourtant, elle n'avait commandé aucun de ces savoureux plats, alors... Et pour parachever l'ensemble, une magnifique rose jaune dans un soliflore trônait au milieu du plateau. Un sourire lui monta aux lèvres ainsi qu'un nom, Jérémy. Décidément, cet homme était à épouser. Mais cela ne resterait qu'un magnifique rêve. Elle s'assit sur un transat et commença à se servir lorsqu'elle entendit tourner la poignée de sa porte. Le steward avait dû oublier quelque chose. Étonnant qu'il ne frappe pas comme il l'avait fait auparavant. Ou bien était-ce le service de nettoyage? Ouvrant le battant, elle ne vit personne, ni même dans la coursive. J'ai dû rêver. Je ne suis pas encore réveillée. Elle revint à son succulent brunch. Quel amour cet homme, si prévenant, si à l'écoute, si... Il fallait à tout prix qu'elle arrête. Penser à autre chose immédiatement pour ne pas s'habiller à toute vitesse et courir se réfugier dans ses bras. Lui dire que tout cela n'était pas possible, qu'elle allait mourir bientôt, qu'elle l'aimait passionnément, qu'elle... Elle pleurait désormais à chaudes larmes, toute envie de nourriture l'ayant désertée. Cela lui fit du bien. Quelques minutes plus tard, elle se dit que s'apitoyer sur elle ne servirait plus à rien, mais qu'il fallait qu'elle soit honnête avec lui. C'était vraiment la moindre des choses. Elle s'habilla rapidement, se maquilla pour effacer les traces de larmes et de fatigue, et se rua dans la coursive. Arrivant devant la porte de la suite de Jérémy, elle eut encore une hésitation, puis se décida. Ronnie vint lui ouvrir. « Oh, c'est vous ! Je suis heureux de vous voir encore vivante après tout ce que mon père vous a fait subir hier. Même moi, je n'y aurais pas survécu. » Il ne savait pas combien il avait frôlé la vérité. « Ton père est ici ?» lui demanda-t-elle en l'embrassant gentiment sur la joue, faisant sonner son bisou comme il l'avait fait la veille. « Oui, mais, comment dire, il m'a demandé de ne pas le déranger car il avait du travail. »« Du travail ? Or, c'est courant que le labo le sonne pour quelque chose d'important. C'est urgent. Si ça l'est, je peux... »« Non, ça attendra, pas de problème. »« J'avais envie de prendre l'air, je peux vous inviter ?» Agréablement surprise, Harmonie accepta. Ronnie était un jeune homme charmant. Son éducation, ses manières, tout en lui reflétait son père. « Où voulez-vous aller ? Peu importe. J'ai entendu un de mes amis dire que leur glace italienne était fabuleuse. Ça vous tente ? À 7 heures ? Vous avez un horaire à respecter en vacances ? Il est pratiquement 13 heures et je viens de terminer un brunch. » « Non, vous... » Il lui coupa soudainement la parole. « Cela vous ennuierait de me tutoyer ? Bien sûr que non, si tu le fais également. » Marché conclu. Vous, pardon, si tu as quelque chose de prévu aujourd'hui, mon père ne sera peut-être pas libre de sitôt. Nous verrons bien. Allons donc déguster cette glace si convoitée. Elle lui prit le bras et ils allèrent ainsi, riant, plaisantant jusqu'à la gelateria. Pour moi, ce sera chocolat vanille, et toi? Pour moi, chocolat fraise. Ils s'installèrent sur des chaises longues, sur le pont promenade, quasi désert, les passagers se restaurant. Pendant ce temps, Jérémy se penchait sur le premier téléchargement qu'il avait enregistré. Il avait eu le nez creux de le sauvegarder. Il savait désormais qu'il ne pourrait plus le faire et que s'il s'y essayait, il le saurait. Il avait donné sa parole. Il ne risquerait pas de tout perdre. Par contre, Il lui fallait comprendre, avec le peu qu'il avait, comment enlever un morceau de génome de ce fichu virus pour le rendre en premier inactif et en second pour qu'aucun autre chercheur ne détecte ce qu'il avait supprimé. Ce n'était pas une mince affaire, et il n'avait que quelques heures. Pas question de se tromper. Entendant tout à l'heure la voix d'Harmonie, il eut l'instinct de courir vers elle, mais il se retint. Il devait à tout prix résoudre ce problème avant de relancer le téléchargement. De plus, furtivement, il sortirait du bateau pour récupérer le remède tant convoité. Au bout de 3 heures, il avait trouvé et tronqué l'infime morceau qui changerait pour longtemps le résultat de toutes les recherches. Content de lui, il se frottait les mains lorsque sa montre le rappela à l'ordre. Il était l'heure. Sitôt à terre, il prit un taxi et lui donna une adresse à 2 rues de la Via San Gregorio Armeno. Inutile de se faire remarquer. Il déambula dans la Via avec quelques touristes qui photographiaient les petites boutiques artisanales. Les concepteurs de santons étaient légion et fabriquaient leurs propres modèles, tous différents. Il y en avait pour tous les goûts et toutes les bourses. Il pressa le pas. À la pizzeria, il eut un moment de panique. Personne ne se trouvait attablé comme prévu, du moins pas l'ombre d'un homme blond. Avait-il fait exprès de l'éloigner de sa suite pour lui reprendre la clé USB sans qu'ils aient à lui remettre le remède? Une sueur froide lui dégoulina le long de la colonne vertébrale. Il se sentit quasiment mal. Regardant à droite et à gauche, il ne vit pas l'homme blond sortir de la pizzeria. Jérémie entendit une légère toux. Se retournant, il vit enfin l'homme qui s'installait tranquillement à une table. Il se dirigea vers lui aussitôt. « Quelle est la pizza que vous préférez ? » demanda-t-il dans un souffle à peine perceptible. L'homme lui répondit aussitôt d'un air froid. « Celle-ci, je vous en prie, goûtez-la. » Effectivement, l'accent était bien celui qu'ils avaient annoncé. Puis l'homme ajouta « Vous êtes en avance de 10 minutes ? Quelle importance !» Jérémie ne le remercia même pas. Il fit demi-tour, tenant contre lui le précieux paquet qu'il allait donner à la femme qu'il adorait. Revenu au navire, il le déposa sur la clayette de son réfrigérateur. À tout prix, désormais, il devait parler à Harmonie. Il demanderait à Ron de rester dans la suite ce soir pour veiller sur le remède. Pas question de se le faire voler. Il appela son fils qui lui répondit aussitôt. « Où es-tu ? » « Sur le pont Promenade 12 et tu ne devineras jamais avec qui. Une de tes petites copines sans doute. Perdue ? Essaye encore ? Écoute Ron, je n'ai pas le temps de jouer avec toi. Plus tard peut-être. Il faut que nous parlions et vite. D'accord, nous arrivons ? Non, toi seul pour le moment. Trouve un prétexte pour te libérer. Mais je suis avec Harmonie. Justement Ron, s'il te plaît, fais ce que je te demande. Je vais t'expliquer. D'accord, mais je fais comment ? Trouve une idée, mon garçon. Dis-lui que ta copine veut te voir, par exemple. Ok, mais en ce cas, Harmonie va venir te chercher. Bon sang, il ne faut pas. Je sais, laisse-moi faire, mais trouve une petite surprise pour elle. Oh, si tu savais quelle va être sa surprise. Dis-m'en plus. Tu vas le savoir, viens vite. Ron prit congé de la jeune femme en lui expliquant toutefois pourquoi elle ne devait pas venir chercher Jérémy. Ce dernier lui donnait rendez-vous au restaurant, à sa table. Harmonie fut bien un peu déçue. Elle avait tellement hâte de le revoir. Ses yeux, sa voix, tout en lui manquait énormément. Elle décida de se reposer encore un peu, puis elle irait au spa. Un bon massage, rien de tel pour ses muscles endoloris. À 19h30 très précise, elle entrait dans le restaurant. Vêtue d'une longue robe blanche, largement échancrée, elle fit se retourner tout le personnel masculin. Ah, si seulement il savait, pensa-t-elle. Jérémy se leva de table, vint vers elle et lui murmura. Si vous saviez combien vous m'avez manqué. Vous aussi, répondit-elle sans le quitter des yeux. Au milieu de l'allée, ils restaient pétrifiés, se repaissant l'un de l'autre. Le serveur accourut et leur demanda. Vous désirez peut-être une autre table ? Non. Fit Jérémy, celle-ci ira très bien, merci. Il conduisit la jeune femme jusqu'à son siège et l'installa. Sans la quitter un seul instant du regard, il prit ensuite sa main qu'il baisa avec amour. Elle frissonna. Ils durent se reprendre vivement devant le serveur zélé qui revenait avec le menu. Eh bien, fit Jérémie en riant, c'est bien la première fois que je vois un serveur aussi attentionné et rapide. C'est vrai, ils ne sont pas comme cela ailleurs, mais leur clientèle non plus. Ici, c'est une élite qu'il faut à tout prix babichonner pour qu'ils reviennent. Ma foi, ils n'ont pas vraiment tort. Avez-vous une idée de ce que vous allez prendre pour ce dîner? Non, pas encore, et vous? Oh oui, laissez ce menu. Je me suis permis de commander. Une surprise. D'habitude, j'avoue ne pas les aimer, mais venant de vous, je suis certaine qu'elle sera exquise. Je l'espère. Harmonie fut un brin étonnée qu'à 7 heures déjà avancées, personne ne se pressa dans le restaurant. Le maître d'hôtel vint en poussant une table roulante sur laquelle se trouvaient deux chandeliers et de la vaisselle en cristal. Il s'affaira quelques minutes et s'en alla, leur souhaitant une belle soirée. Jérémie, revenant de sa course à Naples, était allé voir le commandant. Lui relatant l'état d'Harmonie, il avait en quelque sorte voulu louer le restaurant pour 3 heures. Mais ce fut inutile. Beaucoup de passagers restant ce soir-là à dîner en ville, simplement deux couples âgés avaient demandé à dîner dans leur cabine. Ils auraient donc le restaurant pour eux seuls, avec l'accord du seul maître à bord après Dieu. Jérémie alluma les chandelles et la lumière fut éteinte. L'atmosphère était devenue on ne peut plus romantique. Harmonie commença à paniquer. Et si cet homme lui demandait de... Elle n'eut pas le temps de réfléchir davantage, il commença à lui parler. Harmonie, je sais que vous avez un cancer en phase terminale. Non, ne dites rien. Il faut que vous m'écoutiez jusqu'au bout, s'il vous plaît. Vous savez que je suis chercheur. Il y a de cela 2 ans, j'ai trouvé un remède. Il n'est malheureusement pas encore au point, mais... Il s'arrêta pour voir si la jeune femme réagissait comme il l'espérait. Ce qu'il vit le conforta dans son idée de continuer. Je ne l'avais plus en ma possession. Il faut dire que je travaille depuis presque 18 ans pour une organisation secrète d'État. Ce sont eux qui ont sauvé Ronnie lorsqu'il a eu sa leucémie. Je les ai contactés pour avoir le remède pour vous. Bien sûr, je vais rallonger le temps de travail avec eux, mais si cela peut vous permettre de rallonger votre vie également, alors je suis prêt à encore bien plus. Je ne vous demande rien en échange, rien du tout. Sauf si vous voulez, vous, me donner un peu d'amitié, ou plus. Harmonie était bouche bée. Cet homme voulait lui donner des années de vie en plus, sans rien en échange. Était-ce un mauvais canular? Elle lui demanda franchement. Non, je vous assure que c'est la pure vérité. J'ai le remède depuis cet après-midi. Je suis allée à Naples le chercher. Ron est resté dans notre suite pour surveiller que personne ne nous le vole. Il est extrêmement précieux et horriblement coûteux. Mais ils ont accepté de me le donner. Et uniquement contre des années supplémentaires de travail pour eux? Vous allez faire l'espion, tuer des gens? Non, absolument pas. Je travaillerai en tant que chercheur. Je ne peux vous en dévoiler davantage sans nous mettre en danger. Ayez confiance en moi, je vous en prie. Cette histoire me paraît tellement rocambolesque. Pourquoi faites-vous cela pour moi? Vous ne me connaissez que depuis 4 jours et 4 jours, c'est vrai. Et pourtant, j'ai l'impression de vous avoir attendu des siècles. Je vous aime, Harmonie, et quoi que vous décidiez, je vous aimerai quand même. La jeune femme se tut. À vrai dire, elle tremblait de tout son corps, d'espoir, d'amour, de peur. Jérémie reprit. Si vous acceptez, je peux vous faire la première injection après le repas, et les 2 autres à 2 heures d'intervalle. Vous aurez la sensation dès demain d'aller beaucoup mieux, et dans les 2 mois à venir, votre corps se régénérera. Par contre, je dois vous révéler que ce médicament n'est pas un médicament miracle. Il fera effet pendant 5 à 8 ans. Ensuite, je ne sais pas encore pourquoi, mais la tumeur reviendra et vous tuera en quelques semaines seulement. J'espère de tout cœur arriver avant ce délai à comprendre le pourquoi et surtout à le résoudre. Maintenant, je vous ai tout raconté. À vous de décider, mon amour. Pendant que Jérémie discourait, Harmonie réfléchissait. Qu'avait-elle à perdre? Absolument rien. Elle ne voulait que son amour. Ces derniers jours avaient été fabuleux. Pourquoi ne pas essayer? Jérémie la regardait tendrement et comprenait le dilemme contre lequel elle se battait. Je vous assure que je ne vous demande rien en échange. Je vous jure sur la tête de ce que j'ai de plus précieux, Ron. Harmonie soupira, puis enfin répondit d'une toute petite voix. D'accord, j'accepte. Et je vous aime aussi. Jérémie se leva, fit le tour de la table, retira sa chaise pour qu'elle puisse se lever, et la prenant dans ses bras, l'embrassa à perdre haleine.